Bonjour cher Emmanuel, Guillaume Apollinaire est âgé de 34 ans lorsqu'il rencontre Louise de Coligny-Châtillon à Nice en septembre 1914. Quelques jours plus tard, la première lettre qu'il lui adresse est une déclaration d'amour. Suivra plusieurs mois de correspondance marquée par le départ du poète sur le front et les retrouvailles de moins en moins torrides. Les poèmes à Lou sont un trésor d'écriture amoureuse dans lequel le poète confond fantasme et réalité et fait grand cas du poids de ses mots. La nuit descend, on y pressent un long destin de sang. Bonjour Laurence Campa. Bonjour Adèle. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Je suis ravie de vous y accueillir pour parler de Guillaume Apollinaire, auquel vous avez consacré une biographie, qui a reçu le prix de la biographie du Point de 2014 aux éditions Gallimard. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur Apollinaire et puis récemment l'an dernier un roman aux éditions Stock, Colombe sous la lune, qui explore les liens entre littérature et Première Guerre mondiale. On est en plein dans le sujet du jour, puisque les poèmes à Lou dont nous allons parler sont rédigés par Guillaume Apollinaire à la veille de la Première Guerre mondiale. On vient d'entendre trois vers d'Apollinaire qui ont été lus par Georges Clès. Qu'est-ce que c'était ? C'était la fin d'un autre poème qu'on écoutera tout à l'heure, mais surtout c'était un bout de poème acrostiche, c'est-à-dire qu'en fait chaque première lettre du vers, de chaque vers, peut être lue à la verticale et donne un autre sens, un sens supplémentaire. Et là, la nuit descend, elle, on y pressent, oh, un long destin de sang, u. Lou. Donc il inscrit la femme qu'il aime à l'intérieur même de sa création. C'est-à-dire qu'il a un rapport au langage pour célébrer l'être qu'il aime, à la fois amoureux, voire transi dans ses premières lettres, mais aussi ludique. Oui, mais de toute façon, c'est tout à fait lui. Il a toujours eu ce rapport à la poésie qui peut être à la fois ambivalent, voire équivoque dans certains cas, parce qu'on ne sait, il y a des moments, on ne sait pas vraiment, on l'entendra certainement dans certains poèmes, finalement, à quel degré on doit prendre les choses. Mais c'est justement ce tremblement du sens, cette ambivalence qui lui plaît. Et c'est à nous aussi d'y mettre le sens qu'on a envie d'y mettre, tout simplement. Et là, Lou est, dès le départ, de toute façon, un être de chair, mais aussi un être de mots. Hein, puisque leur relation, on va dire, leur amour, ça serait beaucoup forcer les choses, leur relation commence justement avec une déclaration en bonne et due forme, dans une vraie lettre. Voilà, et il se met à ses pieds comme un chevalier courtois pour se mettre aux pieds de sa dame, ce qui tombe bien puisque c'est une femme au sang bleu, c'est une comtesse. Elle descend par les femmes de l'amiral Gaspard de Coligny, qui était un illustre aristocrate de la Réforme, hein, qui s'est fait massacrer à la Saint-Barthélemy. Mais alors vous venez de dire que parler d'amour entre Guillaume Apollinaire et Lou serait un peu forcer les choses. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ces lettres ne sont pas des lettres d'amour ? Si, c'est plutôt à elles que je songeais, parce qu'en fait, c'est un amour à sens unique. C'est un amour impossible, c'est-à-dire que elle ne lui a jamais promis quoi que ce soit, et puis elle ne lui a jamais dit qu'elle l'aimait. De toute façon, elle avait d'autres amants, elle avait un amant de cœur, donc elle était très flattée qu'un poète puisse lui faire la cour, parce qu'il s'agit bien de cela, puisse être son amant. Mais il était hors de question pour elle de s'attacher. Et si les choses se sont délitées, si finalement la relation s'est terminée, c'est aussi parce que de toute façon, il a compris assez tôt, il s'est un peu entêté comme nous faisons tous, mais il a compris assez tôt que de toute façon, ça n'avait aucune issue. Alors cela, on le sait parce que on le lit dans la correspondance que Guillaume Apollinaire entretient avec Lou, mais les lettres de Lou, contrairement aux recommandations et aux demandes, voire aux supplications d'Apollinaire, ont été détruites par elle. Alors, il en reste quelques-unes. On a la chance d'en avoir retrouvé. Il y a eu des éditions pirates. Il y a eu une édition récente chez Gallimard aussi de quelques lettres qui ont été retrouvées. Elle lui répond. Il y a un jeu entre eux. Vous parliez d'une dimension ludique. C'est sûr que pour elle, c'est extrêmement ludique. Elle dira plus tard, beaucoup plus tard, dans les années 40, à un de leurs amis communs, qui est le peintre et dessinateur André Rouvert, qui était aussi un ami de Matisse, elle dira « De toute façon, je crois que j'ai rien compris à Apollinaire, en fait ». Et c'est après que, justement, parce que elle a rencontré des gens, parce que sa renommée à lui est allée croissant, qu'elle s'est dit « Ah mais oui, j'ai peut-être raté quelque chose, en fait ». Mais en même temps, elle a été assez honnête, hein, pour ne pas lui faire croire qu'il pouvait espérer quelque chose de plus que son corps. D'ailleurs, il le dit dans un de ses poèmes. Et puis, il se racontait tout. Il avait une sorte de pacte d'amour libre où lui-même était prêt à entendre qui elle voyait, ce qu'elle faisait. C'est la fameuse référence à Toutou. Oui. Toutou qui est son amant. Et Apollinaire écrit, hein, « Dieu qu'il fut heureux ce Toutou, pouvoir fourrer son nez partout. Mais je n'en suis pas jaloux, les Toutous ne font pas de mal aux loups. » Alors, oui, il s'amuse. Je pense que, bon, il veut aussi garder la face, en fait, et ne pas jouer la jalousie, parce qu'il était extrêmement jaloux, et c'était justement un des grands motifs de complications dans sa relation avec Marie Laurencin entre 1907 et 1912, sa jalousie à lui. Mais Lou n'était pas une femme à jouer ce jeu-là, justement. Donc, eh bien, du coup, il entre dans son jeu, ce qui est assez fascinant avec lui, et ça, je pense qu'on l'entendra, on en reparlera, c'est qu'il est tout à fait capable de s'adapter, et d'adapter aussi son langage, sa poésie, tout en restant lui-même, de s'adapter à toutes sortes de situations et à toutes sortes de personnes. Donc, la relation avec Lou est une relation extrêmement particulière, qui n'est pas du tout de la même nature que sa relation à sa fiancée Madeleine, dont on reparlera peut-être. Qu'il rencontrera ensuite. Alors on va entendre le poème qui précédait l'épigramme qui a ouvert cette émission. C'est donc au début de la correspondance entre Lou et Apollinaire, avant que celui-ci ne parte au front. Écoutez ce qu'on peut appeler la mise en place du personnage littéraire de Lou, qui renvoie peut-être à la réalité. Ils ne se sont vus que 4 fois, en vrai, hein, dans leur histoire d'amour. Mais déjà, très tôt, dans ce poème, apparaît une Lou qu'il fantasme sans doute, qui apparaît parfaite et dont il est fou amoureux. Si je mourais là-bas sur le front de l'armée, tu pleurerais un jour, ô loup, ma bien-aimée. Et puis, mon souvenir s'éteindrait comme meurt un obus éclatant sur le front de l'armée, un bel obus semblable au mimosa en fleurs. Et puis, ce souvenir éclaté dans l'espace couvrirait de mon sang le monde tout entier, la mer, les monts, les vals et l'étoile qui passe, les soleils merveilleux mûrissant dans l'espace comme font les fruits d'or autour de baratiers. Souvenir oublié, vivant dans toute chose, je rougirai le bout de tes jolis seins roses, je rougirai ta bouche et tes cheveux sanglants, tu ne vieillirais point. Toutes ces belles choses rajeuniraient toujours pour leur destin galant. Le fatal giclement de mon sang sur le monde donnerait au soleil plus de vive clarté, aux fleurs plus de couleur, plus de vitesse à l'onde. Un amour inouï descendrait sur le monde. L'amant serait plus fort dans ton corps écarté. Lou, si je meurs là-bas, souvenir qu'on oublie, souviens-t'en quelquefois aux instants de folie, de jeunesse et d'amour et d'éclatante ardeur. Mon sang, c'est la fontaine ardente du bonheur. Et sois la plus heureuse, étant la plus jolie. Ô mon unique amour et ma grande folie. Ô mon unique amour et ma grande folie, vous écoutez Guillaume Apollinaire et Poulenc sur France Culture, les chemins de la philosophie. Nous vous avons parlé d'amour cette semaine depuis lundi, aujourd'hui des poèmes à loup de Guillaume Apollinaire en compagnie de Laurence Campa. Le poème que l'on vient d'entendre, Laurence Campa, donne une idée assez précise de ce à quoi ressemblent les poèmes à loup. Il faut quand même préciser qu'ici, ils se sont vus deux fois. Qu'il sait qu'il va, il a déjà été mobilisé, mais il va bientôt partir sur le front, et s'entremêle dans ses vers, dans sa poésie, l'amour qu'il ressent pour Lou et la peur de la guerre qui arrive. Oui, la guerre reste encore à venir. Alors évidemment, Très présente dans le texte. Elle est très présente parce qu'il reçoit des nouvelles, parce qu'effectivement, il est en attente. Donc de toute façon, il n'y échappera pas, il le sait. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une sorte de fantasme centrifuge. On a l'impression que justement, son être va, en disparaissant, en mourant, va finalement féconder la terre entière. Donc il y a la crainte de la mort, il y a la crainte de la perte, mais il y a aussi un fantasme d'éternité, de pouvoir justement se renaître, hein, à travers ce fatal giclement du sang. Et l'ambiguïté, elle est là aussi, parce que au fond, on peut lire en filigrane le mythe d'Icare, ou celui de Phaéton, celui qui s'approche trop près du soleil, et lui-même, qui était étranger, n'était pas obligé de s'engager. Il a choisi de s'engager pour tout un tas de raisons, ne serait-ce que parce que il voulait servir le pays qu'il avait accueilli quand il avait 7 ans, et dont il avait choisi la langue. Il se sentait poète français. Et le fait de s'engager, d'une certaine manière, c'est comme dirait Sandra, vouloir aller jusqu'au bout, ne pas échapper au destin commun, vouloir se mesurer à quelque chose de plus grand que soi. Et moi, je dirais presque, bah oui, comme Phaéton. Alors donc, c'est pas une question de désobéissance, c'est plutôt une question de défi. C'est plutôt aussi une question de défi personnel. Et donc, il sait qu'il risque de se brûler les ailes, il risque de disparaître. Et il y a aussi ce mythe-là, dans le fond du poème, donc à la fois un fantasme de mort, et la certitude qu'il va se passer quelque chose de risqué, et en même temps un fantasme de renaissance, de dispersion, et comme je disais hier, de devenir centrifuge. Et c'est tout le contraire. Finalement, il n'est pas du tout en train de dire à Lou, comme Ronsard pouvait le dire, carpe diem. Mmh. Il lui dit, tu ne vieilliras pas. Donc en fait, grâce à sa poésie, justement, mais aussi parce que son sang aura été en quelque sorte sacrificiel, elle pourra elle-même être sauvée. Donc ça va très très loin dans le service à la femme aimée, dans l'amour, dans le dévouement. Et c'est un poème écrit au conditionnel. Hein. Si je mourais là-bas sur le front de l'armée, voici ce qui se passerait. Alors ce qui est très étrange, c'est que c'est au conditionnel. Il anticipe une mort prochaine, de manière troublante d'ailleurs, parce qu'il fait quand même référence à un obus éclatant sur le front de l'armée. Guillaume Apollinaire mourra des suites, notamment d'éclats d'obus dans la tête. Bon, il attrapera la grippe espagnole ensuite. Absolument. Mais il y aura cette blessure quasiment mortelle. Mais en même temps, pardon de vous interrompre, ouais. Je crois qu'il sait très bien aussi, par les nouvelles qui arrivent par les journaux ou par ceux qui rentrent du front, les blessés, etc., que 75% des blessures sont faites par l'artillerie pendant cette guerre-là. C'est une guerre moderne. Certes, voilà, c'est pas du prophétisme de sa part, c'est juste troublant quand on connaît la suite de l'histoire. Voilà, mais ce qu'il y a de surprenant dans ce poème, c'est que donc c'est au conditionnel, il redoute un futur proche, mais apparaît 6 fois, j'ai noté, voire 7 fois, le terme « souvenir ». C'est qu'il est autant projeté dans un futur qu'il redoute que plongé dans un passé qu'il veut garder. Et c'est là qu'il y a une ambiguïté, justement, parce qu'en fait, il lui dit « tu te souviendras ». Donc il y a un double mouvement prospectif et rétrospectif. Mais pour lui, on a souvent l'habitude de penser à l'Apollinaire élégiaque, nostalgique, qui regarde tout le temps en arrière. Ou alors, on va le tirer de l'autre côté, c'est le prophète, celui qui va regarder le moderne, qui regarde toujours devant lui, etc. En fait, il se tenait vraiment, c'est ainsi qu'il le présente lui-même, sur une sorte de ligne de crête qui est celle du présent, où il tient, en fait, il regarde, il y a un peu Janus Bifron. Finalement, qui il regarde donc le dieu romain qui a deux faces, en fait, qui regarde à la fois d'un côté et de l'autre. Et là, en l'occurrence, en avant et en arrière. Et ce qu'il espère, c'est que Lou se souviendra de lui, mais aussi par sa poésie, là on retrouve Ronsard, qu'on se souviendra de lui par ce qu'il a écrit. Donc en fait, le tour de force, c'est vraiment un tour de force du langage. C'est-à-dire qu'il y a le fantasme, mais c'est la mise en langage, en poésie, c'est la mise en forme poétique, si je puis dire, qui crée cette espèce de... J'appellerais pas ça un miracle, parce que c'est pas exactement le mot qui conviendrait, mais de métamorphose, ce qui lui convient beaucoup mieux, il aimait beaucoup Ovide, notamment, de métamorphose de, à la fois de soi-même, de son identité de poète, et de Lou qui devient, en quelque sorte, le réceptacle, en même temps qu'elle est la réceptrice du poème. Guillaume Apollinaire est amoureux, mais il est peut-être avant tout poète. Dans quelle mesure est-ce que Lou ne joue pas le rôle aussi d'un prétexte à la création poétique ? En fait, pour lui, les choses sont totalement liées. Il ne peut pas y avoir... Pour lui, écrire et aimer, c'est la même chose. Parce que poiène, ça veut dire créer, en grec. Et puis parce que les Grecs concevaient justement la création du monde sous la forme amoureuse, sous la forme de la génération, justement. Et non pas de la création, justement, ex nihilo, comme dans la religion chrétienne. Même si lui, il a été très pieux à un moment, il s'est vraiment détaché de ça. Il se sentait beaucoup plus proche d'une forme de mythologie et de cosmogonie grecque, en fait. Et dans ces conditions, Lou n'est, je dirais pas que c'est un prétexte, c'est un déclencheur, c'est une muse, hein, c'est une inspiratrice. Et sans faire de psychologie inutile, je crois que la sincérité, l'authenticité des sentiments était tout à fait réelle, mais il a besoin de ce moteur. Il a besoin de ce moteur, c'est pour ça qu'il continue à l'écrire alors qu'il a rencontré Madeleine, donc une fois qu'il est... sur le front, parce que il a besoin d'une interlocutrice et son inspiration vient justement de l'amour ou de l'absence d'amour. Mais il faut que l'amour soit quelque part, dans un sens ou dans un autre, in absentia ou in presentia. Vous avez évoqué Sandra Arblas, Sandra, un ami d'Apollinaire tout à l'heure. Je vous propose qu'avant d'entendre la suite des poèmes à Lou, un autre extrait qui sera lu par Georges Clès, on entende la voix de Blaise Cendrars, un extrait assez incroyable qui date de 1956, dans lequel il raconte l'enterrement d'Apollinaire et le fait que non seulement on ne parlait pas de... la foule criait Guillaume, et non pas Guillaume Apollinaire, mais surtout qu'à un moment, le corps aurait disparu. Écoutez ce témoignage. Je me trouvais le jour de l'enterrement à Saint-Thomas d'Aquin avec Raymond et mon ami Fernand Léger. Enfin sorti de l'église, le pauvre Guillaume, hissé sur un affût d'artillerie, dûment escorté, comme il était lieutenant de la troupe et de drapeau, le cortège défila boulevard Saint-Germain, sous les huées de la foule, qui huait non pas Guillaume Apollinaire, mais Guillaume tout court, Guillaume le Kaiser, c'était le lendemain de l'armistice. Arrivé au Père Lachaise, la cérémonie avait eu lieu. C'est Paul Fort qui me dit, écoute mon petit vieux, tu as qu'à grimper, tu verras bien là-haut, il y a deux trous et tu te renseigneras. En tes deux trous, il y avait les employés de chez Borgnol. Je m'adressais au chef de l'équipe qui me dit, écoutez, moi je ne sais pas, qui était bien Apollinaire, Kostrovitsky, bien un lieutenant. Il me dit, c'était deux lieutenants, je ne sais pas quel est Apollinaire, qui n'est pas Apollinaire. Si bien que cinq minutes après l'enterrement, personne ne savait où Apollinaire était loti. Je me suis penché sur les deux tombes et dans l'une, à moitié bourré de mottes de gazon, il y avait une motte congelée qui avait exactement la forme d'Apollinaire. Et c'est ce qui m'a fait dire, Apollinaire, mes enfants, Apollinaire n'est pas mort. Apollinaire n'est pas mort, clame Blaise Cendrars, puisqu'en lieu et place du corps d'Apollinaire se trouvent des mottes d'herbe congelées. Quelle étrange histoire, Laurence Campa, vous la connaissiez ? Oui, en fait, c'est une légende, c'est-à-dire que À peine est-il enterré que déjà on en fait une légende. Et même de son vivant, il y avait pas mal de choses qui circulaient et qui étaient parfois un petit peu loufoques et qu'il n'hésitait pas à entretenir lui-même savamment parce que ça l'amusait de porter un certain nombre de masques. Et Sandrard est très très fort pour la mytho-biographie, si je puis dire, et encore plus l'auto-mytho-biographie. Donc il se met en scène en même temps que cet ami mort qui est aussi un cadavre encombrant parce que il y a toujours eu depuis qu'ils se sont rencontrés en 1912 une grosse rivalité entre eux. Hein, quel était le plus moderne? Qui avait inspiré qui? Etc. Etc. Et puis des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne saura jamais. Et donc, mais là aussi, il y a ce fantasme d'éternité, en fait. Qui est un fantasme que partage Sandrard. Le poète ne meurt pas, le poète a beau être assassiné, pour reprendre un titre d'Apollinaire, s'il est assez génial, s'il est assez grand, il demeure. Alors l'homme meurt peut-être, mais pas le poète. Il dit, Guillaume Apollinaire n'est pas mort, donc c'est bien le poète qui demeure, et d'ailleurs... Nous en parlons encore aujourd'hui, peut-être est-il encore parmi nous. Vous dites une espèce de course à la modernité entre Sandrard et Apollinaire, dans le poème qu'on a entendu, et dans les poèmes à Lou d'ailleurs, est-ce qu'on y entend cette quête de la modernité? Parce qu'au fond, c'est une forme assez classique. Oui, elle est présente, mais justement, tout à l'heure, on disait qu'il s'adaptait, beaucoup. Lou n'était pas du tout une femme cultivée. Et puis il a autre chose aussi, c'est qu'il lui écrit des poèmes qu'il met dans des lettres. Donc il retrouve plus spontanément le rythme classique de l'alexandrin, de l'octosyllabe, du vers compté, quelque chose qui rappelle d'autres poètes des temps anciens, des poètes qui l'ont précédé. Et si la modernité existe, oui, par exemple, on l'a entendu tout à l'heure dans certaines images qui sont très surprenantes, fulgurantes, dans des ruptures de ton aussi, de rythme. Il a quand même tendance, parce que c'est Lou et parce que c'est une inspiration amoureuse, il a tendance à retrouver quand même quelque chose de la tradition de la poésie lyrique amoureuse et du lyrisme tel qu'il l'aime et le conçoit. On va retrouver la plume d'Apollinaire qui, cette fois-ci, est partie au front, donc dans un autre poème. Écoutez comment le ton a changé. Les fantasmes du poète qu'on a évoqué lors du premier poème écouté, disons, fait la place à la réalité du front, la violence de ce qu'il vit. Et bizarrement, quand le ton change, il n'est pas forcément plus violent, il est peut-être davantage élégiaque. Écoutez ce poème lu par Georges Clès. Malou, je coucherai ce soir dans les tranchées qui, près de nos canons, ont été piochées. C'est à 12 kilomètres d'ici que sont ces trous où dans mon manteau couleur d'horizon je descendrai tandis qu'éclatent les marmites pour y vivre parmi nos soldats troglodytes. Le train s'arrêtait à Mourmelon le Petit. Je suis arrivé gai comme j'étais parti. Nous irons tout à l'heure à notre batterie. En ce moment, je suis parmi l'infanterie. Il siffle des obus dans le ciel gris du nord. Personne, cependant, n'envisage la mort. Mes souvenirs, ce sont ces plaines éternelles que virgule, ô loup, les sinistres corbeaux. L'avion de l'amour a refermé ses ailes et partout à la ronde, on trouve des tombeaux. Et ne me crois pas triste et ni surtout morose. Malgré toi, malgré tout, je vois la vie en rose. Je sais comment reprendre un jour mon petit loup. Fidèle comme un dogue avec des dents de loup, je suis ainsi, mon loup, mais plus tenace encore que n'est un aigle alpin sur le corps qu'il dévore. 4 jours de voyage, et je suis fatigué, mais je suis content d'être parti de Nîmes. Aussi, mon loup chéri, je suis gai, et je ris de bonheur en t'écrivant ces rimes. Cette boue est atroce au chemin détrempé. Les yeux des fantassins ont des lueurs navrantes. Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés, les amants vont mourir et mentent les amantes. J'entends le vent gémir dans les sombres sapins, puis je m'enterrerai dans la mélancolie. Ô Malou, tes grands yeux étaient mes seuls copains. N'ai-je pas tout perdu puisque mon loup m'oublie? 1915. Année où tant d'hommes sont morts, va-t'en, va-t'en, va-t'en aux enfers des furies. Jouons, jouons aux dés, les dés marquent les sorts. J'entends jouer aux dés, les deux artilleries. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, vous venez d'entendre un poème de Guillaume Apollinaire, un des poèmes qu'il adresse à Lou, à l'occasion de cette série d'émissions sur l'amour, en compagnie aujourd'hui de Laurence Campa. Le poème reprend les thèmes qu'on avait évoqués lors de la première écoute, hein, Laurence Campa, le premier poème, avec une insistance à la fois sur une gaieté, le terme de gai revient trois fois, et on sent une inquiétude qui pointe quant à l'oubli dont il fait l'objet. Il dit bien, n'ai-je pas tout perdu puisque mon loup m'oublie? Il sent bien que les choses se délitent. Moi, ce qui m'a toujours fasciné dans ce poème, c'est qu'il vient d'arriver. Vraiment, il pose le pied, il descend du train. C'est deux jours après, ouais, l'arrivée sur le front. Non, c'est le jour même. Ah oui? Il descend du train. Donc, c'est le 6 avril 1915. Il arrive sur l'arrière-front, du côté de Beaumont-sur-Vel, en arrière de Reims. Et c'est, en tout cas, on n'en connaît pas d'autres. C'est la seule trace écrite, épistolaire, de son arrivée au front. Qu'est-ce qu'il fait? Il écrit à Lou. Il écrit un poème déjà. Il écrit à Lou. Donc ce qui lui vient, ce n'est pas une description en prose, une lettre, je vais bien, je suis bien arrivé, peu importe. C'est vraiment des vers. Des vers qu'il adresse à une femme dont il sait qu'elle risque fort de l'oublier. Et quand il lui dit qu'il est gay, évidemment il ne faut pas le prendre au pied de la lettre parce que tout le reste est extrêmement mélancolique. Il essaie de la rassurer, en fait. Il a cet orgueil viril qui fait qu'il ne va pas trop se lamenter. Ce que j'aime beaucoup aussi dans ce poème, c'est qu'il manque d'unité. Il a quelque chose de très spontané et on le voit très bien dans le manuscrit. C'est fait un peu de briquet de broc. Il y a deux strophes. Il y a une petite étoile. Il y a une autre strophe. Et forcément, il a dû penser qu'il allait s'en resservir pour en faire autre chose. Donc, ce qui se télescope ici, c'est un peu tous les sentiments dont il est le carrefour, qu'il traverse, à la fois de la nostalgie, de la tristesse. Il parle de mélancolie, une espèce de satisfaction aussi d'être là. Oui, d'où lui vient cette gaieté? Il dit malgré toi, malgré tout, je vois la vie en rose. Je crois qu'il faut le prendre. D'abord, il y a un jeu de mots. Donc, il faut se méfier des calembours d'Apollinaire. Et puis, une fois de plus, c'est pour la rassurer, pour lui dire non, je ne crains rien, ça va aller. C'est par fierté. Oui, il y a une forme de fierté. Il se rassure aussi lui-même. Et puis, il y a une forme d'ironie, à mon avis. Une forme d'ironie parce que tout le reste est extrêmement noir. Il y a des corbeaux, etc. Et puis, il y a ce retour de la chanson que je trouve extrêmement touchant et qui est typique de lui aussi, nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés, les amants vont mourir, aimantes les amantes, où on retrouve des échos d'alcool, à la fois la femme cruelle, le souvenir de la chanson populaire qui a l'air de rien, la petite comptine, la petite chose qu'on se chante comme ça, et qui devient vraiment poignant. Il le dira plus tard dans un autre poème qui n'est pas un poème à Lou, mais qui se trouve dans Calligramme, que même les airs les plus entraînants ont quelque chose de déchirant quand on les entend à la guerre. Donc voilà, c'est cette espèce de sentiment mêlé à la fois de nouveauté, d'ébahissement, de forme de stupéfaction, presque au sens étymologique, frappé de stupeur en fait, hein. D'étonnement, comme s'il était aussi frappé par le tonnerre, et puis cette volonté de continuer malgré tout. C'est pour ça qu'il dit « malgré tout ». Il le dira aussi à Madeleine à un moment, malgré les obus et la craie. Il y a une force de vie chez lui qui est capable de... Alors jusqu'à un certain point, et il en fera l'épreuve lui-même par sa blessure notamment et sa convalescence, il est quand même capable de trouver des ressources. Et tant qu'il écrit en fait... Tant qu'il écrit, tant qu'il aime, même s'il aime parce qu'il se raconte qu'il l'aime, parce qu'il sait déjà à ce moment-là, ça fait long. Ils se sont séparés définitivement au mois de mars, là on est au mois d'avril, donc il sait très bien de toute façon que tout est terminé, mais il veut y croire encore parce que c'est ça qui lui permet de tenir. Et c'est justement, même si j'ai une interprétation un peu romantique de la chose, j'en conviens, à un moment où il n'aimera moins Madeleine Pagès, en mars 1916, et où il aura énormément de mal à écrire, qu'il va devenir plus vulnérable et qu'il va se trouver blessé d'un éclat d'obus à la tempe droite. Mais au moment où il écrit ce texte, non seulement ils se sont séparés avec Lou, mais il a déjà rencontré Madeleine, puisqu'il a déjà rencontré en janvier. Madeleine. Oui, mais il l'a rencontré, il l'a vu dans le train une seule fois, et il ne lui a même pas encore écrit. Donc il ne sait oui, même pas ce que c'est. Oui, c'est l'inverse de Lou. Oui. Lou, trois jours après, lui écrit qu'il l'aime. Madeleine, il prend son temps, il lui envoie une carte postale, et c'est vraiment le plus crescendo, voilà. Jusqu'à la demande en mariage. Exactement, et surtout Madeleine répond et encourage. Donc c'est très différent aussi, parce que là c'est un amour partagé. Donc c'est encore autre chose. Et du coup, l'inspiration amoureuse, poétique et poétique et amoureuse est aussi assez différente. Même si évidemment, ça reste le même, la même personnalité, le même poète. Je sers votre souvenir comme un corps véritable, et ce que mes mains pourraient prendre de votre beauté, ce que mes mains pourraient en prendre un jour, aura-t-il plus de réalité? Car qui peut prendre la magie du printemps? Et ce qu'on en peut avoir n'est-il pas moins réel encore et plus fugace que le souvenir? Et l'âme, cependant, prend l'âme même de loin, plus profondément, plus complètement encore qu'un corps ne peut étreindre au corps. Mon souvenir vous présente à moi comme un tableau de la création se présentait à Dieu le septième jour. Madeleine, mon cher ouvrage, que j'ai fait naître brusquement, votre deuxième naissance. Nice, Les Arcs, Toulon, Marseille, Prunay, Vaise, Thuisy, Courmelois, Beaumont-sur-Velle, Mourmelon-le-Grand, Cuperly, Laval, Saint-Jean-sur-Tourbe, Le Mesnil, Hurlu, Perthes-les-Hurlus, Oran, Alger. Et j'admire mon ouvrage. Nous sommes l'un à l'autre comme des étoiles très lointaines qui s'envoient leur lumière. Vous en souvenez-vous? Mon cœur allait de porte en porte comme un mendiant, et vous m'avez fait l'aumône qui m'enrichit à jamais. Quand noircirai-je mes houseaux pour la grande cavalcade qui me ramènera près de vous? Vous m'attendez ayant au doigt de pauvres bagues en aluminium, pâles comme l'absence et tendres comme le souvenir, métal de notre amour, métal semblable à l'aube. Ô lettre, chère lettre, vous attendez les miennes. Cette lettre à Madeleine est datée du 11 août 1915, c'est le lendemain de sa demande en mariage. Est-ce que, Laurence Campa, vous y entendez le même Guillaume Apollinaire, au fond, qu'il écrive à Lou ou à Madeleine? Est-ce le même ton ou y a-t-il vraiment des différences significatives? Non, c'est pas le même ton, parce que d'abord, c'est un amour partagé. C'est une femme qui est cultivée, une jeune femme cultivée, qui aime la poésie. D'ailleurs, ils se rencontrent en parlant de Verlaine, notamment. Donc il peut lui dire des choses différentes. Et puis, s'il joue avec elle, ça on n'a pas tellement entendu dans ce poème-là, mais il peut le faire, il le fait vraiment sous une autre forme. Elles ont quand même beaucoup de différences, hein, puisque en plus, il y en a une qui a beaucoup vécu, qui est déjà divorcée, Lou, tandis que Madeleine est une jeune fille qui a tout à apprendre. Mais il y a des choses qui sont communes aussi, parce que il lui dit « Madeleine, mon cher ouvrage ». Oui. Donc là, il y a vraiment l'aveu, la confession, que Madeleine est aussi... Ils ne se sont pas revus, ils se sont vus qu'une seule fois. Ils sont tombés amoureux par lettre, et ils se sont fiancés par lettre. Et ils ne se verront que finalement à peu près un an après leur première rencontre. Donc ils s'aiment par les mots, ils s'aiment par l'écriture de son côté, ils s'aiment par la correspondance. Et il a bien conscience, et il lui dit, ce qui est une preuve de confiance, il lui dit que, oui, elle est, d'une certaine manière, son ouvrage, sa construction, son travail, son être poétique. Et il le dira, il l'a dit aussi à Lou, mais il ne le dira que tout à la fin, en fait, dans L'amour, le dédain et l'espérance. Il lui dira que il s'est pris un peu pour justement ce personnage mythologique Ixion qui croyait étreindre Junon et qui n'étreignait qu'un fantôme de nuit. C'est aussi c'est un de ses fantasmes. Mais même avant de rencontrer ces femmes, il y a à la fois une croyance, un amour, une passion pour le rêve, les illusions, les prodiges, les merveilles, les miracles, les métamorphoses, et en même temps cette crainte toujours, cette conscience que l'illusion n'est pas la réalité, que la réalité est autre. Et dans ce poème-là, ce poème à Madeleine, il témoigne bien de cette position quand même assez périlleuse, au fond, de l'amoureux, qui oscille entre cristallisation, fantasme et sentiment de la réalité, voire à l'excès, autoflagellation, culpabilité, etc. Madeleine est en tout point l'opposé de Lou. Physiquement, en termes de fonction, Lou est cette chevelure rousse un peu folle et cette manière de se tenir avec de la frime, dit-il. Madeleine, à l'inverse, cette sage institutrice brune aux cheveux raides, prude, très gentille et sincère. Oui, très sincère. Prude, disons, réservée au départ et puis qui se libère au contact d'Apollinaire, qui fait son éducation, en quelque sorte. Alors que Lou n'a vraiment rien à apprendre de lui. Sinon, peut-être. Et ça, c'est intéressant. Et ça, on le voit dans une des lettres qu'elle lui écrit. Je crois que c'est grâce à lui qu'elle comprend toute la force, même si elle en a usé aussi avant, mais qu'elle comprend toute la force de la parole dans l'amour physique et même l'amour en général. Précisément, dans les poèmes qu'on a entendus, il est peu question d'érotisme, de corps et d'amour physique. Sans connaître Apollinaire sur le bout des doigts, quiconque le connaît un peu sait qu'il est aussi l'auteur de textes qui sont très érotiques, notamment les 11 000 verges. Mais y compris dans les poèmes à Lou, on trouve des références bien plus explicites au corps. On n'a peut-être pas choisi, effectivement. Mais le prochain est quand même un peu plus précis sur le désir érotique. Oui. Et puis il y a aussi des lettres. Donc, en dehors des poèmes, des lettres entières qui sont des mises en scène et des fantasmes extrêmement explicites, de flagellation, de soumission, etc. Qui sont extrêmement érotiques, parce que comme il est loin d'elle, qu'il est loin de Lou, hein, il fera la même chose avec Madeleine, hein, il charge la lettre, il charge la parole de faire les choses pour lui, d'incarner finalement à distance la caresse, la violence, et de faire l'amour pour lui, en quelque sorte. Mais précisément, puisque nous parlons d'amour aujourd'hui, que reste-t-il de l'amour lorsque l'être aimé est toujours absent, lointain, et finalement davantage fantasmé et créé par l'écriture que touché physiquement et qui accompagnerait vraiment la personne qui écrit. L'être aimé, Lou, Madeleine, finalement, importe peu. N'est-ce pas de l'amour qu'Apollinaire est amoureux en premier ? Je serais bien en peine de répondre à sa place. Mais je pense à d'autres lettres qui sont extrêmement belles, qui sont les lettres d'amour, les lettres que a pu écrire un peu plus tard Jo Bousquet, un certain nombre de ses correspondantes, je pense notamment à Poisson d'or, qui pour moi sont parmi les plus belles lettres d'amour dans la langue française. Et à partir du moment où il y a la poésie, je dirais pas qu'elle se suffit à elle-même, mais le sentiment, de toute façon, n'est entretenu par la parole. Il n'existe pas en dehors du langage. C'est ça. Mais je me demande dans quelle mesure, au fond, et pas simplement quand on est poète, on entretient l'amour est aussi une manifestation du langage, non ? Si, mais j'imagine qu'il y a des manières d'aimer plus silencieuses. Moins langagière, moins verbale. Oui, mais là, ce sont des poètes et ils sont prolixes. Donc, ils sont loin aussi. Il faut penser que c'est aussi de la correspondance. Parce que, par exemple, quand Apollinaire était amoureux de Marie Laurencin, il n'y a quasiment pas de poème d'amour à Marie Laurencin. Ça a quand même duré 5 ans. C'était une relation extrêmement forte. Alors, il y a des textes de critique d'art qui sont très élogieux, très lyriques, etc. Mais finalement, les poèmes qu'il a retenus en plus pour les publier liés à Marie Laurencin, ce sont des poèmes de fin d'amour. C'est comme si la séparation donnait une couleur, un climat, une tonalité particulière à l'amour et permettait. Et Aragon avait dit la même chose. De toute façon, la lyre ne chante que s'il y a obstacle, séparation. Et ce sont eux qui ont contribué peut-être quand je dis eux, je parle d'Aragon et d'Apollinaire notamment, ou de Bousquet, à façonner peut-être notre imaginaire à nous. Vous voyez? Parce qu'on les a lus, parce qu'on les a aimés, parce qu'on s'est projeté un peu dans ces histoires-là, on s'est mis à la place des uns ou des autres. Et dans ces cas-là, je ne sais pas si c'est finalement tellement le départ, la frontière entre le réel et l'imaginaire qui compte. Et pour eux, je ne dirais pas que c'est forcément une seule et même chose, mais ça serait comme deux pôles, vous voyez, qui formeraient une électricité au milieu. Je ne sais pas comment on pourrait dire, je ne suis pas physicienne. Mais voilà, du point de vue de l'image, ça serait quelque chose comme ça. Donc, je ne sais pas si on pourrait dire quels sont des prétextes, parce que ça serait rabattre ça sur de la vie ordinaire, si vous voulez, de la psychologie. Ah non, pas forcément, parce qu'on ne les connaît pas, sans faire de portrait psychologique, ni du poète, ni des femmes, mais plutôt au contraire, prendre le terme de poète tellement au sérieux et comme étant tellement là, ce qui définit Apollinaire, oui. Qu'au fond c'est ce qui supplante le reste, c'est que la poésie serait une manière de créer un monde et de faire durer dans ce monde où tout s'éteint, une chose à laquelle il tient, absolument, qui est notamment l'amour. Et il se trouve qu'elle s'appelle Madeleine ou qu'elle s'appelle Lou, mais ça pourrait pas être n'importe quelle femme non plus. Je crois que c'est vraiment... Là, il y a une alchimie. Écoutons, après la lettre qu'on a entendue, qu'une sorte de lettre d'adieu, puisqu'ils avaient déjà rompu avec Lou, il arrive sur le front, il lui écrit cette lettre qu'on a entendue. Eh bien, deux jours après cette lettre, il lui en écrit une nouvelle, où cette fois-ci, il célèbre les parties du corps de Lou avec une répétition très, très rythmée tout au sein du poème, une partie du corps, une métaphore suivie et ponctuée du « je t'aime » qui revient tout au long du poème. Mon très cher petit Lou, je t'aime. Ma chère petite étoile palpitante, je t'aime. Corps délicieusement élastique, je t'aime. Vulve qui serre comme un casse-noisette, je t'aime. Sein gauche si rose et si insolent, je t'aime. Sein droit si tendrement rosé, je t'aime. Mamelon droit couleur de champagne non champagnisé, je t'aime. Mamelon gauche semblable à une bosse du front d'un petit veau qui vient de naître, je t'aime. Nymphe hypertrophiée par tes attouchements fréquents, je vous aime. Fesses exquisement agiles qui se rejettent bien en arrière, je vous aime. Nombril semblable à une lune creuse et sombre, je t'aime. Toison clair comme une forêt en hiver, je t'aime. Aisselle duvetée comme un cygne naissant, je vous aime. Chute des épaules adorablement pures, je t'aime. Cuisse au galbe aussi esthétique qu'une colonne de temple antique, je t'aime. Oreilles ourlées comme de petits bijoux mexicains, je vous aime. Chevelure trempée dans le sang des amours, je t'aime. Pieds savants, pieds qui se raidissent, je vous aime. Reins chevaucheurs, reins puissants, je vous aime. Taille qui n'a jamais connu le corset, taille souple, je t'aime. Dos merveilleusement fait et qui s'est courbé pour moi, je t'aime. Bouche, ô mes délices, ô mon nectar, je t'aime. Regard unique, regard étoile, je t'aime. Main dont j'adore les mouvements, je vous aime. Nez singulièrement aristocratique, je t'aime. Démarche onduleuse et dansante, je t'aime. Oh petit loup, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Corps, vulve, sein, gauche, sein droit, mamelon gauche, fesses, nombril, toison, aisselle, épaules, cuisses, oreilles, chevelure, pieds, reins, taille, dos, bouche, regard, main, nez et démarche. Cette fois-ci, Apollinaire parlait de son ouvrage à la propos de Madeleine. C'est ici l'ouvrage Lou. On voit que c'est une Lou qu'il a créée de toutes pièces, une Lou parfaite qu'il aime éperdument, Laurence Campin. Qu'il aime éperdument ou qu'il n'aime plus, enfin qu'il n'aime plus, qu'il aime encore, moi je dirais plutôt. Et il y a des perdus, en effet, comme dirait Annie Lebrun, il y a des perdus là-dedans. Mmh. Ce qui me fascine dans ce poème, en dehors du fait que par le langage, il détaille le corps, donc il rend présent un corps qui est absent et qu'il ne touchera plus, il le sait, et c'est ce qui va exactement se passer, c'est la dimension vraiment incantatoire de ce poème. On a l'impression que c'est de l'ordre de la formule magique. Non pas de la prière, mais de la formule magique. C'est comme si en répétant les mêmes mots, en détaillant les choses, en trouvant l'image juste, qui ressuscite, qui ranime plutôt que ressusciter, mais qui ranime des parties très précises du corps, justement. Ce corps se mettait à exister à nouveau devant lui, comme s'il prenait chair. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je suis pas sûre que finalement, chez lui, comme chez Bousquet, il y a une vraie différence entre la réalité et l'imagination. Parce que l'imagination a une vraie réalité, le rêve a une vraie réalité, existe au même titre que les autres choses du réel. Le rêve n'est pas du tout désincarné. Alors, donc du coup, ça prend corps. Voilà, c'est, le langage prend corps, l'ouvre reprend corps à un moment où, justement, ça fait pas très longtemps qu'il est au front. Je crois qu'il se rend mieux compte aussi de ce qui se passe. Et ce qui lui vient, c'est de ressusciter la présence de cette femme grâce au pouvoir de la parole. Et c'est peut-être aussi une manière pour lui de se rassurer en disant « je suis toujours poète, ça fonctionne toujours, mes mots peuvent encore ». Le problème pour lui, c'est le silence. C'est que son inspiration soit tarie, c'est qu'il n'arrive plus à écrire, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, il arrive à écrire avec une grande pudeur, hein, on dirait que c'est un poème de forme assez classique et qui célèbre le corps de la femme aimée, comme dans un blason. Le blason de la Renaissance, absolument. Donnons à entendre quand même d'autres parties des poèmes d'Alou qui sont beaucoup plus explicites et peut-être moins poétiques, en tout cas moins pudiques. Hein. Déjà, il précise « Le vice n'entre pas dans les amours sublimes. Le vice en tout cela n'est qu'une illusion qui ne trompe jamais que les âmes vulgaires. Donc, il n'y a pas de morale dans l'érotisme. Ce qui lui permet d'écrire « La vulve des juments est rose comme la tienne et nos armes graissées, c'est comme quand tu me veux. » On peut pas plus explicite, hein. Je voudrais te fesser pour que tu m'aimes. Je voudrais te faire mal pour que tu m'aimes. Je voudrais que tu sois mon cheval pour te chevaucher longtemps, longtemps. Et enfin, il y en a d'autres, hein. Les testicules pleins, le cerveau tout empli d'images neuves. Il sait être explicite lorsqu'il le faut. Oui, c'est intéressant. Les testicules pleins et le cerveau empli d'images neuves. Et ça va ensemble. Et qui ne demande donc à jaillir, donc on retrouve ce fatal logiquement, mais qui est aussi fatal. Qui n'est plus le gicleur de sang, donc voilà. Il redoute. Donc il est quand même très cohérent, très cohérent. Et puis il y a quelque chose d'un peu noir aussi chez lui. L'amour s'associe souvent à la violence. Il ne faut pas oublier non plus que c'est un grand lecteur de Sade. C'est quand même lui qui a sorti Sade de l'enfer des bibliothèques en 1909. C'est-à-dire qu'il a, publié, il a été éditeur de Morceaux choisis de Sade, précédé d'une longue introduction qu'il a faite lui-même, à la fois en prenant un peu chez ses prédécesseurs, chez des érudits qui avaient travaillé sur Sade, mais aussi en donnant son propre point de vue. Et il dit deux choses, notamment, qui me semblent tout à fait visionnaires et qui nous sont tout à fait pertinentes encore pour nous. Sade, l'esprit le plus libre qui est encore existé. Donc, on n'est pas dans l'immoralisme, on est dans la moralité, dans l'absence de morale, oui, en fait. Il est amoral, voilà, c'est qu'il n'y a la pas de moralité, morale. L'apostrophe amoralité. C'est ça. C'est pour ça qu'il peut dire à Lou, le vice n'entre pas dans les amours sublimes. C'est-à-dire à partir du moment où on sait, mais à partir du moment où il y a une vraie communion des corps et si possible des esprits et des cœurs, on peut faire n'importe quoi. Et s'il lui parle de façon aussi crue, c'est parce qu'il sait qu'elle est apte à comprendre. Elle en a vu d'autres, je pense. Mais aussi parce que cette espèce de brutalité, on va dire, verbale, a aussi un fort potentiel érotique, un fort pouvoir érotique. Est-ce qu'il distingue les deux, l'amour de l'érotisme ? Oui et non, on va dire. D'un point de vue biographique, il associe les deux de façon évidente. Du point de vue de ses œuvres, en revanche, il y a quand même plutôt une tendance à avoir l'amour et la mélancolie d'un côté, et puis un érotisme beaucoup plus forcené de l'autre. Mais même dans les 11 000 verges... Donc il a écrit avant, c'est en 1907. Hein. En fait, c'est son premier livre publié, même s'il n'est pas sous son nom. Qui est du même genre que Sade, en fait, on peut dire, pour se donner une idée. Avec, très très cru, très avec violent. Un rire énorme en plus, hein, et aucun système philosophique, là, pour le coup. Est-ce qu'on offre à nos auditeurs 1 minute 30 des 11 000 Mais verges? Mais oui, oui. Alors les voici. La nuit était venue, étoilée. Moni eut une fantaisie en passant devant le wagon du généralissime. Il fit déculotter Alexine, dont les grosses fesses semblaient gênées dans le pantalon. Et tandis que les autres continuaient leur marche, il mania le superbe queue, pareil à une face pâle, sous la lune pâle. Puis sortant sa pine farouche, il la frotta un moment dans la réculière, picotant parfois le trou du queue. Puis il se décida soudain en entendant une sonnerie sèche de trompette accompagnée de roulements de tambour. La pine descendit entre les fesses fraîches et s'engagea dans une vallée qui aboutissait au con. Les mains du jeune homme par devant fouillaient la toison et agaçaient le clitoris. Il alla et vint, fouillant du soc de sa charrue le sillon d'Alexine qui jouissait en agitant son cul lunaire dont la lune là-haut semblait sourire en l'admirant. Tout à coup commença l'appel monotone des sentinelles. Leurs cris se répétaient à travers la nuit. Alexine et Moni jouissaient silencieusement et lorsqu'ils éjaculèrent presque au même instant et en soupirant profondément, un obus déchira l'air et vint tuer quelques soldats qui dormaient dans un fossé. Ils moururent en se lamentant comme des enfants qui appellent leur mère. Moni et Alexine, vite rajustés, coururent à la tente de Fédor. Là, ils trouvèrent Cornabeu débraguetté, agenouillé devant Culculine, qui déculottée lui montrait son cul. Alors attention, veuillez à effacer de la mémoire des jeunes enfants qui ont entendu ce texte, bien cette lecture qu'ils n'avaient pas du tout à entendre. Laurence Campa, voici quand même un portrait fidèle de ce que peut écrire Apollinaire. Oui, c'est pas le pont Mirabeau sous lequel coule la Seine. Voilà, c'est un autre registre. Et c'est pas l'amour non plus. Oui, mais en même temps, alors justement, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, Moni fait quand même une promesse amoureuse. Ouais. Oui, Moni Vibescu fait quand même une promesse amoureuse à Culculine Nancaune. Et donc, si c'est pas de l'amour au sens sentimental du terme, c'en est quand même. Eh bien, et il la poursuit quand même jusqu'au Japon, jusque dans le conflit russo-japonais. Donc si c'est pas de l'amour, je sais pas ce que c'est, mais... Ce sera aux auditeurs d'en juger, car on les invite à découvrir ce texte, ils ne le connaissent pas. Oui, mais là, il se laisse aller, et c'est pour ça aussi que c'est un lecteur de Sade. C'est parce que je crois que ce qu'il a beaucoup aimé chez Sade, en dehors de la liberté, c'est vraiment le fait que c'est une imagination sans frein. On peut faire ce qu'on veut avec le langage, et il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, ni chez Sade, ni d'une certaine manière chez Apollinaire, mais Sade va quand même beaucoup plus loin. Il y a une limite à cette émission, malheureusement, elle n'est pas du tout morale, mais elle est temporelle, et nous devons terminer cette discussion. Merci beaucoup Laurence Campa d'être revenue par Apollinaire aujourd'hui. Je conseille aux auditeurs de lire Les Poèmes à Lou, Les Lettres à Madeleine, Les 11 000 Verges s'ils le souhaitent, et votre roman, Laurence Campa, Colombe sous la lune, aux éditions Stock. Et il est temps, sans transition, de donner la parole à Géraldine Wesnes-Savoie pour son journal de la philo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, vous nous parlez chaque jour d'un essai de la rentrée qui a retenu votre attention. Aujourd'hui, vous restez un peu dans les thèmes que nous avons abordés, car il va être aussi question de littérature et de mort. Oui, alors hier, en plus, je vous parlais de la fin du monde, de comment accepter et se réjouir de notre impuissance face à cette fin inéluctable. Et aujourd'hui, en effet, je vous parle d'une autre fin qui a déjà eu lieu, celle de la littérature, grâce à l'essai de Johann Ferber, Après la littérature, écrire le contemporain, sorti au PUF, qui soulève cette question, qu'écrire si la littérature est morte. Je pense que je finirai sûrement par la poésie, hein, si je finis quelque chose, enfin si je finis de moi-même, quoi. Enfin, si je meurs pas bêtement, je pense que je finirai par la poésie. L'exaltation, le bonheur ou la paix sont pas des... Et le roman peut pas fonctionner sans drame, quoi. En fait, mon idéal serait d'écrire un long poème idyllique. Que faut-il entendre par fin de la littérature? Eh bien, entendre Michel Houellebecq, dont les romans sont connus de tous, au moins leur titre, dont l'idéal serait la poésie, on se demande même en quoi la littérature serait morte. Et en lisant l'essai de Johann Ferber, au vu de la profusion d'auteurs contemporains convoqués, Camille de Toledo, Célia Oudart, Tanguy Viel, Nathalie Quintane, Stéphane Bouquet, pour n'en citer que quelques-uns, on serait tenté de se poser la même question. Une telle présence d'écrivains ne contredit-elle pas cette fin de la littérature? C'est en 2007 que le journaliste Donald Morrison soutient dans une tribune du Time Magazine que que la culture française est morte. Les réponses ne se sont pas fait attendre, les spécialistes se sont pressés pour lui montrer au contraire la vigueur de notre littérature. Mais au fond, entre l'affirmation d'une fin de la littérature et celle de sa vitalité, de quelle littérature les uns et les autres parlent-ils ? Que faut-il entendre par mort ou vitalité de la littérature ? Et surtout, de quelle écriture est-il question ? Que reste-t-il à dire et à écrire ? Et comment, si comme certains le disent, la littérature est finie ? Je ne puis vivre personnellement sans mon art, mais je n'ai jamais placé cet art au-dessus de tout. S'il m'est nécessaire, au contraire, c'est qu'il ne se sépare de personne et me permet de vivre tel que je suis au niveau de tous. L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. Il oblige donc l'artiste à ne pas se séparer. En 1957, Albert Camus recevait le prix Nobel de littérature. Et quand on parle de littérature et de sa disparition, c'est d'ailleurs à ça qu'on pense, à de la grande littérature, avec un grand L, à de grandes phrases si belles et si simples, à de grands auteurs. On pense à Balzac, à Proust ou à Camus. Et pourtant, quand on écoute Camus, il ne s'agit déjà plus de grande littérature séparée et surplombant le monde. Mais qu'a-t-il écrit lui ? Et qu'écrivent les auteurs si ce n'est plus de la grande littérature ? On pourrait croire ces questions dévolues aux seuls spécialistes, pourtant il s'y joue quelque chose qui nous touche tous. Parce que nous sommes tous plus ou moins lecteurs, il peut être bon de se demander ce qu'on lit aujourd'hui. Est-ce encore de la littérature ou autre chose ? Et alors quoi ? Quel rapport avoir avec cette littérature si elle n'est plus sacrée, si elle est plus proche de nous, si elle nous est contemporaine, si elle n'est plus séparée, pour reprendre les mots de Camus, et que peut-elle nous donner à lire ? Il me semble qu'il ne faut pas poser des barrières, des cadres, au-delà de laquelle la littérature ne serait plus elle-même, on la trahirait, je ne sais pas quoi. Trahissons la littérature, trahissons-la pour qu'enfin ça vive. Ça vive, parce que là, l'enfermement dans une forme de méditation contemplative, consolative, tue. Nous tue, et tue la littérature aussi. Je pense que c'est en train un peu de bouger quand même, hein. C'est-à-dire que le fait de parler aujourd'hui à ce micro d'usage de la littérature, de trahir cette conception de la littérature, me semble pas forcément nouvelle ou bouleversante. Et c'est toujours à répéter. Je crois que plus on le dit, mieux c'est. Nathalie Quintane fait partie des auteurs cités par Johan Ferber dans son essai. Elle fait partie des auteurs qui s'attachent à écrire sans le poids écrasant de la grande littérature, sans attribuer à celle-ci des tâches consolatrices ou autres, des grandes œuvres. Au-delà de la question passionnante de savoir ce qu'on lit aujourd'hui, de quoi on nous parle, littérature ou pas, il est ainsi passionnant de se demander comment on le dit et pourquoi. Pas seulement que nous disent les écrivains, mais comment le disent-ils et qu'en attendent ? Et comment nous pouvons, à notre tour, dire, parler, s'approprier les mots et les réfléchir ? C'est la question posée par cet essai, au cœur d'une déclaration de mort, celle de la littérature, de la fin du monde ou du présent, qui ne cesse de s'évanouir, se trouve ainsi paradoxalement une force. Comment, avec quel style, sous quelle forme et dans quel but continuer à écrire et à lire ? Merci Géraldine, ça a l'air passionnant cet essai, après la littérature donc. De Johan Ferber, sous-titre « Écrire le contemporain » et c'est paru au PUF. Bon, je ne savais pas que la littérature était terminée, mais donc je vais lire ce livre pour c'est en savoir plus. Une bonne nouvelle, je crois. Ah, vous croyez ? Oui, bah apparemment oui, ça permet justement d'écrire d'autres choses. Bon, il faut qu'on continue quand même à avoir des textes à évoquer au cours de cette émission. Eh bien, votre chronique en tout cas est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philo, car la radio, elle, est loin d'être terminée. Un grand merci à Marie Simon qui a préparé cette émission avec Anaïs Isbert, Géraldine Mosna-Savoie, Isis Jourda, Eva Ferenzi, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Florent Bujon qui est à la prise de son aujourd'hui, Georges Kless à la lecture des textes ainsi qu'Anne Brissier. On vous retrouve demain pour les Chemins du Vendredi qui inaugure une nouvelle formule cette année. Nous vous proposerons chaque vendredi de grands entretiens avec ceux qui font vivre la philosophie aujourd'hui. Et demain, nous recevrons le cinéaste-philosophe Eugène Green. D'ici là, pour écouter cette série d'émissions sur l'amour. Et je pense à vous qui étudiez en prépa scientifique, qui avez l'amour et les textes dont nous avons parlé cette semaine au programme. Mais aussi à vous autres, chers auditeurs, qui n'attendez qu'une chose, c'est une bonne occasion de relire ces classiques. Eh bien, réécoutez ces émissions autant que vous voulez. Elles sont disponibles en réécoute sur le site de France Culture, mais aussi en podcast, en téléchargement. pour les écouter où vous voulez et quand vous voulez. On vous attend aussi sur les réseaux, Facebook, Twitter, Instagram, avec vos remarques et commentaires que nous ne manquerons pas de lire. Sur France Culture, à midi, ce sera la grande table d'Olivia Gesbert, mais il est 11h. Et 11h, c'est l'heure de Culture Monde par Florian Delorme.